إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله نحن اليوم نتحدث عن الإيمان بالقضاء والقدر من آمن بالقضاء والقدر فهو سعيد راض في حياته لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فالمؤمن راض بقضاء الله وقدره فهو مستسلم لله في صحته ورزقه ومرضه وأهل بيته وكل شيء في حياته خيرا كان أو شرا ويعلم أنها مقدرة عليه فيرضى بما قدر له فهو سعيد ورضى فهو في سعادة ورضى وله في الآخرة من الله عز وجل الأجر فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأركان القضاء والقدر أو مراتبه أربعة وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق فهذه أركان الإيمان بالقضاء والقدر فمن أقر بهذه الأركان الأربعة أقر بها جميعا اكتمل إيمانه بالقضاء والقدر ونتحدث عن هذه الأركان الأربعة باختصار الركن الأول أو المرتبة الأولى العلم وهو الإيمان بأن الله يعلم كل شيء جملة وتفصيلا فعلمه سبحانه وتعالى محيط بما كان وما سيكون وما هو كائن وقد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم وآمالهم وأقوالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم وكل شيء وكل شيء في هذا الكون قال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وعند البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال كانت جنازة في البقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده في الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابتنا أو على كتابنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعلموا أو اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فسيصير لعمل أهل الشقاء أما الركن الثاني أو المرتبة الثانية فهي مرتبة الكتابة فتعني أن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ يقول تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء أي كتبها في اللوح المحفوظ وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخليقة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة رواه مسلم الركن الثالث أو المرتبة الثالثة وهي الإيمان بأن الله يعني ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهي مرتبة المشيئة ما كان الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيئة الله وعلمه وحكمته قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وإرادة الله سبحانه وتعالى هي مرادفة لمشيئته وهي الإرادة الكونية الإرادة الكونية هي الإرادة المترادفة لمشيئة الله سبحانه وتعالى وهذه الإرادة قد يحبها الله وقد لا يحبها أما الإرادة الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان أنبيائه فهذه الإرادة الشرعية يعني يحبها الله سبحانه وتعالى كلها فهذه الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والمرتبة الرابعة ويعني أو تعني هذه المرتبة مرتبة الخلق يعني أن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل المخلوقات بذواتها وصفاتها وحركاتها وأفعالها يقول تعالى الله خالق كل شيء ويقول والله خلقكم وما تعملون إذن لا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربعة مرتبة العلم علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء ثم كتابته للمقادير ثم مشيئته وإرادته ثم خلقه لهذه المخلوقات جميعا فمن آمن بهذه الأربع فقد اكتمل عنده الإيمان بالقضاء والقدر والقضاء والقدر هو سر الله عز وجل والأصل أن المؤمن لا يخوض في القضاء والقدر فالمؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره ولا يخوض فيه فالله يرزق من يشاء ويمنع من يشاء ويمرض من يشاء ويبتلي من يشاء ويعطي المال من يشاء ويمنع من يشاء فله الأمر من قبل ومن بعد والمؤمن راض وله الرضا والكافر والمنافق ساخط على البلاء يقول تعالى فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعتوا منها إذا هم يسخطون إذن القضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة لا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر أي التصديق الجازم بأن كل ما يقع من الخير أو الشر فهو بقضاء الله وقدره، وإن جميع ما يجري في الآفاق والأنفس من خير أو شر فهو مقدر من الله سبحانه وتعالى ومكتوب قبل خلق الخليقة، وكل شيء بإرادته ومشيئته. يقول تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ويقول تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، النعم والابتلاءات بقضاء الله وقدره، فمن أعطي من نعمة المال أو الصحة أو الأولاد فهي بقضاء الله وقدره، ومن أعطي من فقر أو مرض أو غيرها من شرور فهي بقضاء الله وقدره ولحكمة له سبحانه، وهي في نفس الوقت اختبار لك هل تشكر الله سبحانه وتعالى على النعم، وهل تصبر على المرض أو على الفقر أو غير ذلك من الابتلاءات. وكذلك هذه الابتلاءات كفارة لذنوبنا، ففيه الخير. فالمؤمن حقيقة يرضى بقضاء الله وقدره، إن أصابه خيرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شرا صبر فكان خيرا له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Serviteur d'Allah, préservez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment en faisant les bonnes œuvres qu'il vous a ordonnées et en vous abstenant des péchés qu'il vous a interdits. Aujourd'hui, nous parlerons du sujet qui fait partie des six piliers de la foi, et c'est-à-dire la foi en le décret divin et la prédestination. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété et prédestiné tout ce qui se produit dans la création de bien ou de mal. Et le croyant qui a cru en le décret divin et en la prédestination, il est heureux et satisfait dans sa vie. Car il sait que ce qui l'a atteint ne pouvait pas le manquer. Et ce qui l'a manqué ne pouvait pas l'atteindre. Il est satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété et ce qu'il a prédestiné pour lui, et il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qui peut lui arriver par rapport à sa santé, par rapport à sa subsistance, par rapport à une maladie qui le touche, ou par rapport aux membres de sa famille et ses proches. Tout ce qui lui arrive dans sa vie, que ce soit un bien ou un mal, il sait que c'est uniquement quelque chose qui a été prédestiné pour lui. Et il est donc satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que Allah lui a prédestiné. et ça lui procure du bonheur, de la satisfaction pour lui. Et dans cette vie et dans l'au-delà. Et il aura la récompense pour cette patience et pour cette satisfaction qu'il a eue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a, pour avoir une compréhension claire et complète du sujet du décret de la prédestination, 4 degrés ou 4 piliers reliés à la foi en la prédestination. Celui qui a cru en ces 4 piliers ou ces 4 degrés, eh bien sa foi en la prédestination est complète. Celui qui a un manque ou une défaillance ou un problème dans la compréhension et la foi en ces 4 piliers de la prédestination, eh bien sa foi en Al-Qadha ou Al-Qadar, elle n'est pas complète. Et ces 4 piliers sont les suivants. Le premier, c'est Al-Ilm, c'est-à-dire la science infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite et complète d'Allah. Donc il a la science complète. Le deuxième, c'est Al-Kitaba, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit, la prédestination de la création. Le troisième, c'est Al-Mashi'a, c'est-à-dire que tout ce qui se produit dans l'univers ne peut se produire que par sa volonté. Il n'y a rien qui peut sortir de sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Et le quatrième de ces piliers de la foi en la prédestination, c'est Al-Khalq, c'est-à-dire que il n'y a rien qui existe dans la création, excepté que c'est Allah qui l'a créé. Donc tout ce qui existe est la création d'Allah. Et tout ce que nous faisons comme action fait partie de ce que Allah a créé aussi. Donc Allah nous a créé et ce que nous faisons. Et rien ne sort de sa création aussi. Donc il n'y a pas 2 créateurs. Un créateur pour le bien, un créateur pour le mal. Comme chez les Majus. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé et personne ne crée avec lui. Approchez-vous un peu, essayez de vous rapprocher, avancez-vous et également collez-vous les uns avec les autres un peu plus près pour faire de l'espace pour vos frères, inshallah. Tafassahu, yafsahillahu lakum. Donc, on va résumer rapidement ces 4 piliers ou ces 4 degrés de la foi à la prédestination. Premièrement, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance qui est parfaite et complète. Que Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses de façon générale et de façon détaillée. Et que sa connaissance enveloppe toutes choses. Dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Et qu'il sait tout. Et qu'il a connu la situation de ses créatures et qu'il connaît leur subsistance et leur destination, les paroles et les actions qu'ils font, leurs mouvements ou bien leur repos et tout ce qu'ils peuvent faire, tout ça, il le savait et il le sait et il sait toute chose, il n'y a rien qui échappe à sa science. Wallahu bi kulli shay'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance de toutes choses. Et ça c'est mentionné dans beaucoup de versets dans le Coran. Par exemple, le verset qui signifie ne vois-tu pas que Allah sait tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Il n'y a pas de discussion secrète entre 3 personnes, excepté que c'est lui le 4e. Ni de conversation secrète entre 5, excepté que c'est lui le 6e. Et que ce soit un nombre plus bas ou plus grand, excepté qu'il est avec eux là où ils sont, par sa connaissance et sa science. Puis il va les informer de ce qu'ils ont fait au jour de la résurrection. Certes, Allah a la connaissance de toutes choses. Et comme c'est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim, selon Ali radiallahu anhu, lorsqu'il était dans une funéraille, une janaza, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu et les sahaba se sont assis autour de lui Et il a dit, nul d'entre vous excepté que sa place en enfer et sa place au paradis lui ont été écrites. Alors les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, dans ce cas, est-ce qu'on ne devrait pas seulement s'asseoir et attendre que ce qui a été prédestiné pour nous, nous arrive? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Faites les œuvres, faites les actions, et à chacun, Allah va lui faciliter ce pour quoi il a été créé. Donc celui qui fait partie des gens du bonheur, eh bien, il va se diriger vers les actions des gens du bonheur. Et les gens qui font partie des gens du malheur, eh bien, ils vont se diriger vers les œuvres des gens du malheur. Et chacun, il lui sera facilité ce pour quoi il a été créé. Kullun muyassarun lima khuliqa lah. Le deuxième pilier, comme on a mentionné, pour la foi en la prédestination, c'est al-kitaba. Que tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps dans l'univers, Allah l'a écrit dans un livre. Et ça, c'est la foi en al-kitaba, que Allah a tout écrit, la destinée de la création dans al-lawh al-mahfouz, la table préservée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam muslim à ce sujet, que Allah a écrit la destinée de toute la création avant la création, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc tout ce qui arrive a été écrit et prédestiné 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Il n'y a rien qui sort de ça. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, wa rufi'at al-aqlam wa jaffat al-suhuf. La plume est soulevée et l'encre a séché. Et le troisième pilier de la prédestination, ou de la foi à la prédestination, c'est al-mashi'ah. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui se produit dans l'univers, c'est uniquement parce que Allah l'a voulu. Il n'y a rien qui sort de sa volonté. Et c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus de toute volonté. Rien ne peut se produire excepté par sa volonté et sa permission. Que ce soit quelque chose qui nous semble bien ou qui nous semble mal, Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis que certaines choses se produisent, qui font partie des choses qu'il n'aime pas. Et il les a permis d'exister. Et il les a permis d'être. Comme le shaitan, le shirk, le kufr, les péchés. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a voulu l'existence de ces choses? C'est pour une sagesse. Et une sagesse qui est bonne. Même si ces choses-là peuvent sembler mauvaises. Parce que, en réalité, il n'y a rien dans ce que Allah a créé qui est un mal absolu. Un mal total. Parce que même dans les choses qui semblent mauvaises parmi les choses que Allah a créées, il y a un bien dedans. Il y a une sagesse derrière son existence. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, n'avait pas créé la faim, si Allah n'avait pas créé la pauvreté, si Allah n'avait pas créé le shaitan, il n'y aurait pas eu de test, il n'y aurait pas eu d'épreuve. Ça veut dire qu'on serait au paradis déjà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu mettre les hommes à l'épreuve, et il a voulu les tester, et établir la preuve contre eux-mêmes, de ce qu'ils sont capables de faire ou de ne pas faire. Et ils seront rétribués et récompensés selon leurs œuvres, et selon leurs actions, et selon leurs paroles. Donc il y a une sagesse dans toute chose, et derrière toute chose qui est bonne. Et ensuite il y a le dernier pilier, qui est le pilier de la création. C'est-à-dire que tout ce qui se produit dans l'univers, c'est uniquement la création d'Allah. Tout ce qui existe a été créé par Allah et il n'y a rien qui a été créé par quoi que ce soit d'autre ou personne d'autre. Tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé et il a créé ce qu'on fait aussi. Nos œuvres et nos actions et nos paroles et tout ce qu'on fait, c'est Allah qui l'a créé. Et rien ne sort de sa création. Celui qui a cru en ces quatre piliers et ces quatre degrés de la prédestination, eh bien sa foi en la prédestination est complète. Mais s'il n'y a pas cru correctement ou complètement, sa foi en la prédestination est incorrecte. Et donc le croyant, il croit en ce que Allah a prédestiné et ce qu'il a décrété comme bien ou comme mal, et il ne va pas rentrer dans des débats ou des discussions, essayer de philosopher avec ces sujets-là. Parce que sinon, ça c'est une porte vers l'égarement. Et comme les ulama ont dit, le qada ou le qadar, c'est le secret, le mystère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut essayer de rentrer dans ce sujet pour essayer d'en comprendre les mystères, excepté qu'il va s'égarer. Puisque d'essayer de comprendre la science d'Allah, la volonté d'Allah et tous ces détails-là, hein, qui ont rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala et sa toute-puissance, c'est d'essayer de comprendre ce qui dépasse l'entendement et l'intelligence humaine. Et l'être humain, dans sa compréhension et dans son intelligence, il a des limites. Hein? Et donc, il doit se respecter lui-même et respecter ces limites-là. Et donc, la position du croyant vis-à-vis de cet aspect et de tous les autres aspects en la foi et le rêve, c'est de se soumettre. Une position de soumission. Et donc, la foi, la prédestination, c'est un des six piliers de la foi. Et donc, il faut être satisfait de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, il n'y a pas un malheur qui vous touche sur la terre ou dans vos personnes, excepté que c'était dans un livre avant de l'avoir créé. Cela est facile à Allah. Pour que vous ne soyez pas triste ou déçu de ce qui vous a échappé et que vous ne vous réjouissiez pas de ce que Allah vous a donné. Et certes, Allah n'aime pas les gens qui sont fiers et pleins de glorioles. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, toute chose a été créée selon une mesure bien précise. Et donc, tous les malheurs qui peuvent nous toucher, les maladies, la fatigue, la mort et les autres choses qui peuvent nous arriver dans notre vie, tout ça, ça fait partie des épreuves et des tests que Allah nous donne. Et tout ça se produit par le décret et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour nous mettre à l'épreuve et pour nous tester, et en même temps aussi, tout malheur qui nous touche, et si on est patient et endurant, eh bien Allah nous efface par cela des péchés. Hein? Et c'est une expiation, hein, pour ce qu'on fait de mal. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أيما الصلاة أيما الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله